menacerai moi la main. Même si tu m'as mis en balotage, je ne peux pas te garder rancune. Le monde est fait comme ça. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. Amina, moi je m'en fous. Je savais depuis longtemps. L'homme c'est comme un lit d'hôpital qui reçoit tous les malades. Quand tu es là, c'est toi. Quand je suis là, c'est moi. Je suis là.